Le chevreuil, une nouvelle de Édith Alaro, mise en son par Anne-Lyne Drocourt et Claire Veissé, avec la voix de Françoise In. J'ai ramassé des asperges sauvages dans le champ, de l'autre côté. En plus du nid du framboisier, il y en a un autre dans le garage. Fais attention de ne pas le faire tomber. Tu trouveras un autre endroit pour travailler? Faudrait tailler le figuier. Pour faire un figuier, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre une branche en septembre, d'enlever 4 ou 5 feuilles et de planter la branche à l'abri du gel. Et après, il faut s'en occuper. Ça m'est encore arrivé hier soir. Ça m'arrive de plus en plus souvent. Aujourd'hui, j'ai mis des oignons, des échalotes. C'est la première fois que je mets des échalotes de ce côté. Il y a beaucoup d'ombre, non? Tu savais qu'il n'y avait qu'un seul thé à échalotes? J'en ai toujours mis deux. On a des certitudes des fois. Je ne peux plus m'en empêcher. Dès que tu t'endors, je me retrouve dehors, debout, dans le noir. Qu'est-ce qui fait froid dehors? Il fait plus froid que froid. Les oies tournent au-dessus de la maison. Elles partent vers le nord. Je les reconnais à leur chant. Elles sont 200, 300. Combien exactement? La lune brille. Je marche pieds nus dans les champs. Je fais attention de ne pas te réveiller en rentrant. Aujourd'hui, j'ai planté la menthe qu'on nous avait donnée. Elle est comestible, tu crois? Elle sent très fort. Je l'ai mise sous le sureau, près du hangar. J'ai mis de la roquette aussi, sous les ormeaux. J'ai repiqué 4 pieds de cornichons qui poussaient dans les artichauts. J'ai planté une courgette, un pâtisson, un poivron, des haricots. J'ai peur de les avoir semés trop tôt. Et si les oiseaux les mangent? J'ai semé des betteraves, une graine partout, à 8 cm de profondeur. Les coquelicots sont en bouton. J'ai hâte de les voir éclore. J'ai trouvé le nid par terre dans le garage. C'est toi qui l'as fait tomber? Mais dis-le que c'est toi. Tu l'as fait exprès. Fais attention la prochaine fois. Je suis dans le jardin. Je gratte la terre avec mes pieds, avec mes mains. Je suis à 4 pattes dans le jardin. Je fais de grandes saignées. Tout ce que j'ai planté, je le déterre. Je mange les pousses de courgettes à peine nées. Pour me laver du goût de la terre, je suce quelques herbes folles. Je les mâchonne. Les gouttes de rosée me font du bien. Ce que je préfère, les tiges de pissenlit, mais je ne les digère pas. C'est dans mon corps que ça se passe. Ma tête n'y peut rien. Chaque nuit, c'est mon corps qui sort. Ma tête ne fait que suivre et voit le désastre qui s'opère. Tout le jardin est à refaire. Et toi, tu ne dis rien. J'aimerais que tu viennes avec moi un soir dehors. Au lieu de me laisser faire, tu me prendrais dans tes bras et nous nous envolerions vers le nord. Nous tournerions au-dessus de la maison avec d'autres gens. Nous ne saurions pas combien nous sommes. Nous ne les connaîtrions pas. Au lieu de ça, je suis seule. Et plus rien ne passe dans le ciel maintenant. J'enterre tous tes outils à 1 mètre de profondeur. Tu n'avais qu'à faire attention. La seule chose qui m'aiderait maintenant, je crois, c'est que tu fermes la porte à clé. Si tu ne fais rien, un jour ou l'autre, il va m'arriver quelque chose. Quand tu m'as vue sortir cette nuit, j'ai cru que tu allais intervenir. Mais non, tu es restée là, derrière la fenêtre, sans rien dire. Et ça m'a déçue. Ça m'a déçue parce que je n'attendais que ça, moi. Je n'attendais que ça, que tu viennes me chercher, que tu me ramènes dans la chambre et que tu me couches à tes côtés. Les oies tombent. Les oies tombent autour de nous. Tu ne les vois pas tomber ? Je faisais la vaisselle cet après-midi. Un chevreuil est venu dans le champ, à côté. Après avoir mangé, il est passé près du figuier. Il a senti les feuilles et il est venu se mettre face à la fenêtre, devant moi. Je n'osais plus bouger. J'ai arrêté l'eau du robinet et lui restait là à m'observer. J'ai posé mon tablier. Je suis sortie dehors pour l'approcher. Il n'a pas bougé. J'ai caressé ses poils. Ils étaient raides et rêches. Je lui ai donné ma main. Il l'a léché. Qu'est-ce qu'il sentait ? Tu dors ? Moi, je suis dans le bois. Je n'y vois pas à 2 mètres devant moi. Le chevreuil se faufile entre les branches. Je suis ici comme si j'étais chez moi. Les branches me griffent aux jambes et au visage. Je suis attentive au moindre de ses pas, à la progression de son ombre. Puis il se couche et je me couche. Puis il me lèche le visage et moi j'embrasse son pelage. Je pense à toi. Tu as mangé les premières cerises. Tu ne m'en as même pas laissé. Pourquoi ? Le chevreuil est près de moi. Je lui gratte le dos. Il étire sa colonne vertébrale. Ses poils sont blancs à cet endroit. Je caresse son cou, son visage. La pluie tombe. Nous sentons les odeurs qu'autour de nous la terre exhale. Il y a un monde où nous avons vécu. Je ne désespère pas de t'y retrouver un jour, mais quelqu'un lentement entre nous s'immisce. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose, sinon ça va mal se terminer. Il faut que tu m'attaches. Il faut m'attacher. Je ne reviendrai pas la prochaine fois, tu le sais. Tu le sais, ça ? Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Si tu ne fais rien, je reste dans le bois. Je reste dans le bois. Le chevreuil est près de moi. Il me lèche les doigts. Puis il se roule dans l'herbe. Je me roule dans l'herbe. La chouette ulule. Je ne rentrerai pas cette fois. Tu m'as fait vraiment peur. Quand tu nous as trouvés tous les deux enlacés dans les bois, tu m'as fait une de ces frayeurs. Je t'ai vue en colère pour la première fois. J'ai vraiment senti que tu tenais à moi cette fois. Ça ne te laissait plus indifférent, tout ça. Comment tu fais pour nous retrouver? Je crois que c'est primordial que tu en arrives à ces extrémités-là. Je ne t'avais jamais vue aussi sûre de toi et décidée. Le chevreuil est revenu dans le champ cet après-midi. Il y est resté un long moment, mais il a vite compris que je ne le rejoindrais pas. Tu savais que les chevreuils aboient? Je ne l'avais jamais entendu parler. Tu as ramassé les premières fraises et tu me les as données. Merci. Les choses évoluent dans le bon sens, je crois. C'est toi qui as fabriqué ce nid? Il est très joli. Je pense qu'il ne reviendra plus maintenant. Tu as vu? Je ne sors plus la nuit. Tu vois? Je ne sors plus du tout. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu fais attention à moi maintenant. Et ça, ça change tout. C'est une grande leçon pour nous, cette expérience. Chaque matin, maintenant, on se réveillera et on dira « Ah oui, c'était comme ça. C'était comme ça avant. » Regarde. Regarde comme les choses ont changé. Comme nous avons appris. Comme le monde s'est transformé. Je crois qu'à partir de maintenant, nous pouvons avoir de nouveau la foi et de l'espoir en nous aussi. Parce qu'il n'y avait pas de raison que les choses ne changent pas. Regarde, tous les jours il y a des changements. Dans le monde entier, les gens changent, les paysages changent, les objets changent. Et toi aussi, tu as changé. Parce que maintenant, tu as conscience de ce que je représente pour toi. Et ça, c'est très important, la conscience. Parce qu'avec la conscience, on peut tout modifier. L'échalote n'a pas poussé. Je n'en mettrai pas la prochaine fois. Je sais qu'il passe encore par là. Je le sais, aux traces de ses pas. Je le sens aussi. Je le sens. Avec mon nez. Le chevreuil, une nouvelle de Eddie Palaro, mise en son par Anne-Lyne Drocourt et Claire Veissé, avec la voix de Françoise Hine.